Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala nabina Muhammad wa ahli wa sahbihi wa tabi'un bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Donc je m'excuse pour le retard. J'avais oublié le livre en fait. Ou du moins je m'étais trompé le livre, donc j'ai dû le rechercher, ce qui m'a fait tarder. طيب. نواصل في قراءتنا باذن الله تعالى. Donc là nous allons arriver à la dernière fois nous avons parlé des gens de tawhid qui commentaient les gros péchés, qui mouraient sur les grands péchés. Quel était leur devenir, et on expliquait que tant qu'ils sont sur le tawhid, ils finiront par aller au Jannah, mais en fonction des péchés qu'ils auront commis, leur châtiment peut être plus durable et plus conséquent. Mais quoi qu'il en soit, celui qui meurt sur le tawhid, masiruhu ila al-Jannah. Naam. Yaqulu fi as-su'al as-sabi' wa 90 ba'd al-mi'ah. 197e question. Ma huwa as-sirat al-mustaqim alladhi amarana Allah ta'ala bisulukihi. Donc il a dit maintenant, c'est quoi ce chemin droit que Allah Azawajal nous a ordonné de suivre et nous a interdit de suivre un autre. Donc قال الله تعالى وان هدى الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا السبيل ليس منها سبيل الا عليه الشيطان يدعو اليه ثم قرا هذه الايه. Donc il a dit, c'est quoi ce chemin qu'on doit prendre? C'est celui qu'on suit dans la Fatiha. Il s'agit de l'islam, celui par lequel Allah Azawajal a envoyé ses messagers, pour lequel il a fait descendre ses livres, et aucune religion en dehors de celle-ci ne sera acceptée auprès de lui. Et que personne ne réussira dans l'au-delà à part ceux qui auront suivi cette religion. Et que celui qui suivra autre que cette religion-là finira par s'éparpiller. Du moins, les voies finiront par s'éparpiller. Et Allah, dans le Coran, il dit... Et que cela est certes mon chemin droit, alors suivez-le et ne suivez pas les sentiers, car ils vous diviseront de mon sentier. C'est-à-dire ils vous feront dévier de mon sentier. Les bestiaux, verset 153. Afwan. Et que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, une fois avec ses compagnons, a fait une ligne au sol. Une ligne droite. Et il a dit, ça c'est la voie d'Allah qui est droite. Et ensuite, il a fait des lignes transversales sur les côtés. En disant, et ça, ce sont les sentiers. Et il n'y a pas un de ces sentiers sans qu'il y ait au bout un shaitan qui appelle les gens. Et ensuite, il a récité le verset qu'on vient de lire. Donc, comme on dit, la religion n'est qu'une. Et dans cette religion, la voie à suivre n'est qu'une. La sunna n'est qu'une, la voie des salafs n'est qu'une. Et c'est cela que nous devons suivre. Celui qui ne suit pas cela, il va se perdre. Quoi qu'il en soit. Il est voué à la perte. Et quand on dit la perte, ce n'est pas qu'il fera kafir, mais il ne sera pas sur l'ostikama. Il ne sera pas sur la droiture. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما على جنبتي الصراط ثوران فيهما ابواب مفتوحه والابواب attendez ولا الابواب سطور مرخى ولا باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجوه فالصراط الإسلام وثورا حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله وداعي من فوق الصراط وعيذ الله في القلب كل مسلم. Donc en fait, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah donne l'exemple d'un chemin droit. Et sur les chemins, les côtés de ce chemin, il y a des d'autres issues avec des portes qui sont ouvertes. Et sur la porte du chemin droit, il y a un appeleur qui dit aux vous les gens, entrez, c'est-à-dire suivez ce chemin droit. vous tous, et ne vous divisez pas. Et un autre appeleur au-dessus de ce chemin, qui lorsqu'il voit une personne vouloir ouvrir les portes des chemins qui sont sur les côtés, ils lui disent, malheur à toi, n'ouvre pas cette porte, car si jamais tu l'ouvres, tu te perdras. Donc il a dit, ce chemin droit, c'est l'islam. Et que, on va dire, les protections qu'il y a sur les côtés de ce chemin sont les limites d'Allah Azzawajal. Et les portes ouvertes, ce sont les interdits d'Allah Azzawajal. Et cet appeleur qui est au-dessus du chemin droit, c'est le livre d'Allah, c'est le Coran. Le Coran qui nous appelle à suivre l'islam. Et l'appeleur qui est au-dessus du pont, c'est en fait la conscience islamique qui est dans le cœur de chaque musulman. C'est-à-dire qu'il y a des choses en nous qui nous interpellent, ce qu'on appelle la fitra, en gros. Lui, il n'a pas dit la fitra, mais ça revient à ça. La fitra de base, qui fasse qu'on a en nous une forme de balance qui arrive à nous faire apercevoir, concevoir une partie du bien et du mal. Comme dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, lorsqu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-bir, husn al-khuluq, wa matma'inna illahi al-nafs. Wa al-ism, ma haka fi sadr, wa karihtan yattali alayhi al-nas. Il a dit que la bonne action, en premier lieu, sont les bonnes mœurs. Et ce sont les choses pour lesquelles l'âme s'apaise, le cœur s'apaise. Il a dit le péché, c'est une chose qui cause une gêne dans la poitrine et une chose que tu fais que tu n'aimerais pas que les gens sachent. Donc celui qui ressent ça en lui sur un acte, qui se dit que ça c'est un penchant, c'est ce wa'iz un peu, qui est en toi, qui t'indique, ne fais pas cette chose-là. Même si tu n'as pas vraiment la preuve du kitab d'Assun ou quoi, tu sens que cette chose-là, elle n'est pas correcte. Après, des fois, c'est trompeur. Il y a des choses qu'on pense qui ne sont pas correctes. Quand on interroge, il s'avère qu'elles sont correctes. Mais souvent, de base, il y a des actes, on sait, on dit ça, c'est un truc qui ne me paraît pas bon. Et aussi dans le verset du hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pareil, il a dit « Istafti qalbak ». Lorsqu'il a dit « C'est quoi le bien, c'est quoi le mal ?» Il a dit « Interroge ton cœur. Interroge ton cœur. » Et il a dit par rapport au mal, que c'est une chose qui cause une gêne dans la poitrine, même si les gens, même les ulama font une fatwa, tu sens que ça passe pas. Tu sens que il y a un blocage. Et ben ça, c'est ta conscience islamique, en gros. C'est ta fitra qui t'indique, quoi qu'on te dise, tu sens que ça ne va pas, ça ne passe pas, ça bloque. D'accord? Donc ça, on a ça en nous. Et les koufars aussi, ils ont un peu ça en nous, ce qu'ils appellent la conscience, qui leur donne, qui leur cause du tort. Une chose leur cause du tort, ils ont en eux, comme ils disent, une voix qui me parle, qui me dit fais pas ça, fais pas ça. C'est leur conscience. C'est une chose Allah Azzawajal l'a mis dans le cœur de chaque être humain de base. Sauf que le musulman, sa conscience, elle est plus forte encore. Car à la base, elle est appuyée par la révélation. Maintenant, c'est pas une chose à prendre dans l'absolu, comme mizan, comme balance. Mais c'est une grande approche déjà. Naam. Donc ce sirat mustaqim à suivre, tayyib, c'est l'islam. Et dans ce sirat, faut suivre la sunnah. Et cette sunnah, on ne peut la comprendre qu'avec la compréhension des salafs. قال في السؤال الثامن والتسعين بعد المية 198e question. بماذا يأتي لا إلى من أموج يتأتى سلوكه والسلامة من الإحراف عنه. Donc il a dit maintenant comment on fait justement pour rester sur ce chemin et ne pas en dévier. قال لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودها وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc cela ne peut se produire qu'en s'accrochant justement au livre et à la sunna, et de toujours acheminer, d'avancer en étant en relation avec la révélation. Et s'arrêtant dans les limites. Ce que le Coran te dit d'arrêter de faire, tu ne le fais pas. ce qu'il te dit de faire, tu le fais. Ce que la sunna t'explique et te détaille et te clarifie, tu le prends également. Et c'est comme cela que tu arriveras à te rendre de plus en plus neutre pour pouvoir être sur le tawhid et pour pouvoir être sur le suivi de la sunna. Comme Allah Ta'ala, dans le sens où il dit, et celui qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là, ce sont ceux que Allah a gratifiés parmi les prophètes, ainsi que les véridiques et les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie qu'ils sont, ces gens-là. Sourate An-Nisa, verset 69. وَهَؤُلَاءِ مُنَعَّمَ عَلَيْهِمُ الْمَذْكُورُونَ هَؤُلَاءِ تَفْصِيلًا هُمُ الَّذِينَ أَضَافَ السِّيرَاتِ إِلَيْهِمْ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِقَوْلِ تَعَالَى اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Et ces gens-là que Allah a gratifiés, eux sont les gens également qui ont été cités dans le Coran, dans la Fatiha, dans le sens où Allah dit, guide-nous le chemin droit, le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits et non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Donc ça revient à ça. Ceux qui ont été comblés de ces bienfaits, ce sont les croyants, les musulmans, car ils ont reçu la révélation pour leur indiquer la voie à suivre en ce bas monde pour réussir dans l'au-delà. Donc ça, c'est la plus grande déniarma qu'ils puissent avoir, c'est l'islam. Et qui plus est que la bonne compréhension. فَلَا أَعْظَمْ نِعْمَا عَلَى الْعَبْدِ مِنْ هِدَايَتِهِ إِلَى هَذَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَتَجْنِيبِهِ السَّبِيلِ أو سبل المخلى وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتهم على على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع عنها إلى هالك. Donc le plus grand bienfait, comme on vient de le dire, pour le serviteur, c'est cette guidée. Cette guidée, c'est ce chemin droit, et qu'il soit épargné et qu'il soit évité de suivre les voies déviantes. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé sa communauté sur cette voie-là. C'est ça qu'il a appris, c'est ça qu'il a enseigné. Et il a bien dit, je vous ai laissé sur une voie claire, de jour comme de nuit, ne s'en écarte qu'une une personne vouée à la perte. C'est pour ça que des fois, quand tu as des gens qui s'égarent, qui apostasient ou quoi, des fois on dit, oh, le pauvre, oh. On dit oui, le pauvre pour lui, mais pour nous, c'est pas une perte. On n'a rien perdu. Une fois, j'ai lu quelqu'un qui disait, si un tel s'égare, on aura que nos yeux pour pleurer. Comment ça, on aura que nos yeux pour pleurer? Ça y est, s'il s'égarait, c'est qu'il n'était pas bien. Si quelqu'un s'égarait, c'est qu'Allah, il sait qui il était, c'est qu'il n'était pas bien. Donc, on n'a pas à pleurer sur lui de base. Et sachez que quoi qu'il en soit, si quelqu'un s'égare, Allah va le remplacer toujours. La religion d'Allah, Azawajel, elle n'a besoin de personne à la base. C'est nous qui en avons besoin. Quand un savant s'égare, vous inquiétez pas. Un autre va venir, va le remplacer. Même des fois 10 autres. C'est peut-être pas forcément 10 savants, mais 10 personnes vont venir et faire un travail qui fera que les gens auront toujours une issue pour pouvoir s'en sortir. La religion ne disparaît pas avec la mort de quelqu'un. Si elle devait disparaître, elle aurait disparu avec la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'a pas été le cas. Elle n'a pas disparu avec la mort de Abu Bakr. Elle n'a pas disparu avec la mort de Omar. Elle n'a pas disparu avec la mort de Othman, ni Ali, ni les Aïma qui a eu barde après par la suite. Bien sûr, des égarements sont rentrés, l'ignorance s'est propagée, s'est répandue, mais la religion de base, elle est toujours là, elle est protégée. Il y aura toujours un groupe sur la communauté, de la communauté sur la vérité, comme vous le savez. Donc, si on doit pleurer sur quelqu'un, on doit pleurer sur nous-mêmes. Car on ne sait pas quel est notre devenir. Mais les gens, d'accord? Les gens, comme l'ont dit les salafs, on ne doit pas être étonné de la multitude de gens qui s'égarent. On doit être étonné de la personne qui arrive à s'en sortir. C'est lui qui doit nous impressionner. Celui qui s'en est sorti. Et celui qui vit sur la droiture et qui est mort dessus. Selon ce qu'on voit, nous, de nos yeux, bien sûr. Après, les choses de l'invisible, on ne les connaît pas. Yaqoul fi sawal at-tasi'a wa tisin ba'd al-mi'a. 190e question. Ma dud as-sunnah, c'est quoi l'opposé de la sunnah? Quel est le contraire de la sunnah? Didduha al-bida' al-muhdatha, wa yash-shar' ma lam ya'zan bihi Allah, wa yallati 'anaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Donc c'est quoi la bid'a? C'est des choses nouvelles dans la législation que Allah n'a pas autorisées. Celles que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a citées en disant que celui qui innove dans notre affaire ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Le hadith est mutafakun alayhi. Donc la bid'a, c'est ma hasala ba'd mawt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yakun alayhi wa la ashabuhu wa qusida bi at-ta'abbud. C'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait. D'accord? De son vivant. et qui a par les choses par laquelle on veut par cela la dévotion, l'adoration. Et ça, une bid'a qui est interdite. Parce que tu as des gens, des fois, ils veulent faire les malins. Quand on leur dit ça, c'est bid'a, ils disent ouais, le téléphone portable, c'est pas une bid'a, c'est une chose nouvelle. On dit, mais c'est une chose de dunya, c'est pas une chose religieuse, ça n'a rien à voir. Donc la bid'a, c'est une chose qui est liée à la religion. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a innové dans notre affaire, c'est-à-dire la religion. Donc ne nous faites pas duper par les beaux parleurs qui veulent juste refuser la vérité. C'est en religion. Et vous le savez, la bid'a est plus aimée auprès de Shaitan que les péchés. Parce que le mubtadi, quand il fait une chose, il pense qu'il fait une chose qui est bien. Donc il change la religion. Ça amène à mentir sur Allah et son messager. Alors que celui qui fait un péché, c'est qui fait un mal. Donc il est amené à se repentir un jour ou un autre si Allah lui accorde le tawfiq. Et quand il fait la chose, ici, il dit, moi, c'est pas la religion. Moi, je sais que c'est pas la religion ce que je fais. C'est haram. J'ai pas le droit de le faire. Alors que le mubtadi, il va dire, fais, c'est bien. Tu auras des hasanat. Allah, il aime ça. Alors que ce n'est pas vrai. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وغدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو ضلالة. Il a dit, النبي صلى الله عليه وسلم, quand il a fait un grand rappel aux sahaba, il a dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi, et accrochez-vous-en et mordez-y avec les molaires. Ça veut dire s'accrocher, les molaires sont les dents les plus fortes, celles par lesquelles on s'accroche le plus à une chose. Et prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est un égarement. Regardez bien, il a dit cool. C'est parmi les termes de généralité. Toute chose nouvelle est égarement. Toute innovation est un égarement. Il n'y a pas de bonne bid'a dans la religion. Et quant au athar que Omar a dit, ni'am al-bid'ahiyya, quelle bonne bid'a, il s'agit, quand il parlait de taraweh, il voulait dire le mot bid'a dans le sens linguistique et non pas dans le sens religieux. Parce qu'à la base, Taraweh, c'est pas une bid'a, vu que le Nabi Sansem l'a fait auparavant avec les Sahaba. Donc ça prouve bien que Omar n'a pas voulu dire bid'a en religion. Il a voulu dire, dans le sens, c'est une chose qu'on avait délaissée, qu'on refait, c'est-à-dire qu'on revivifie. Donc il n'a pas voulu dire bid'a dans le sens de la bid'a qui égare. D'accord ? Parce que des gens, ils se servent de ce genre de athar également. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Satuftaluk ummati ala salaf wa sab'ina firqa, kulluha fi nar ila wahida. Wa ayyanaha bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, hum man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que cette communauté se divisera en 73 sectes, et chacune ira au feu à part une. Et en fait, secte, quand on va parler de cette une, ce sera plus une secte à ce moment-là. Ça sera le groupe. Les autres, on les appelle sectes. Groupuscules. D'accord, et autres. Mais ceux qui ont réussi, on les appelle le groupe, la Jama'a. Et il a dit, ce sont ceux qui sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Donc là, voilà la religion. On doit comprendre l'islam comme l'ont compris les premiers. On doit appliquer l'islam autant que possible comme l'ont appliqué les premiers. Et ne pas chercher des choses nouvelles. Ne pas chercher des choses qui sont étrangères à la religion. Revenir à leur compréhension et revenir aux savants qui sont sur leur compréhension. Et bien évidemment, de base, revenir au dalil, car un savant n'est pas infaillible. D'accord ? Un savant, c'est une personne qui t'indique, mais il est un être humain qui peut être amené à faire un ijtihad et se tromper. Donc la base qu'on suit, c'est le dalil. C'est-à-dire ce qui vient du Coran, ce qui vient de la Sunna, et ce qui vient des paroles des Sahaba, donc ce qui a été authentifié, bien évidemment. Et même les Sahaba, ils ont fait des ijtihadat, des choses qu'ils ont fait qui n'étaient pas en concordance. Mais c'est des choses qui ont été clarifiées déjà. Et le sahabi n'a jamais fait une chose extra par passion. Jamais. Soit c'est un ijtihad, ou soit c'est une chose qu'il n'a pas su. Taïeb. Et eux, ils sont excusés, déjà pardonnés. Les sahabas, ils sont pardonnés. Mais nous, on ne l'est pas. Nous, on ne l'est pas. Quand elle fait souhait m'y atteint. 200e question. Il est kem yan qasim, autant qasim al-bid'atu bi'artibar ikhlaliha bid-din. Donc combien se divise l'innovation par rapport à sa défaillance au niveau de la religion. Il dit cette bid'a se divise en deux. Bid'a mukaffira wa bid'a dun zalika. S'il y a la bid'a qui t'exclus de la communauté, c'est une bid'a, mais t'es en mécréant, et t'as celle qui est moindre, c'est-à-dire, on l'appelle bid'a mufastika. ce qui fait de toi un fasiq, en fait. Un fisc par rapport à la religion, pas par rapport au péché en soi, comme par exemple le fornicateur ou le voleur ou quoi, mais un fisc, peut-être même plus grave, qui est celui de la religion. Et la bid'a al-mukaffira, comme il dit dans Sual Wahid Ba'd al-Miyatayn, 201e question, c'est Man ankara amran mujma'an alayhi mutawatiran min al-shar' ma'louman bid-din bid-darura. لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. Donc c'est quoi? C'est une personne qui aura nié une chose sur laquelle il y aura unanimité et qui a été apportée par multiples voies dans la législation et qui est connue en religion par nécessité. Car cela revient à démentir le livre, d'accord? Et ce par quoi ont été envoyés les messagers. Comme par exemple Jahmiya, qui est Jahmiya qui eux renie les sifats d'Allah Azzawajal, les attributs d'Allah Azzawajal. Ou les gens qui disent que le Coran il est créé. Ou que les attributs d'Allah sont créés. Ou dire que Allah Azzawajal a pris Ibrahim comme Khalil. Ou le fait que Allah Azzawajal a parlé de vive voix à Moussa. Et autres. Ou comme la bid'ah des Qadariyah, ceux qui nient que Allah connaît les choses. Ou alors, la bid'ah de Al-Mujassima, ce qu'on appelle anthropomorphisme. Les gens qui font ressembler Allah à la création. Toutes ces choses-là, pourquoi ? Parce que eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent au nom de la religion. Et leur but en cela, c'est la dévotion. D'après eux, ils veulent protéger la religion et appeler à une compréhension saine. Donc c'est une bid'a. Mais cette bid'a revient à démentir le kitab et la sunna, donc elle les rend mécréants. Vous voyez ? Non. Et il dit, ces gens-là sont deux catégories. T'as ceux qui font cela sciemment et par croyance, eux, ils mécroient. Et t'as ceux qui font cela car ils ont eu une ambiguïté et ils ont eu une interprétation qui était erronée. Et ces gens-là, on doit leur établir l'argument, leur montrer les preuves qu'ils se trompent. À ce moment-là, ils reviennent. S'ils ne reviennent pas, ils sont qualifiés comme les autres. Ils seront jugés comme les autres. Comme kuffar. Non. Et sachez une chose. Bien qu'on dit que la bid'a est pire que le péché, est-ce que cela veut dire que toute bid'a est pire que tout grand péché? Pas forcément. Ce n'est pas dans l'absolu. Là-bas, c'est ça. Mais demain, par exemple, quelqu'un qui va, mathalan, ces gens, par exemple, qui ont pour habitude de tout le temps lever les mains après les salawat. Ils font des doigts après les salawat. Ils font la salat, ils font l'azka, après ils lèvent les mains, ils font les doigts. Ça, le fait de faire cela en continu et de croire qu'il faut faire cela à ce moment-là, c'est une bid'a. D'accord ? Si on fait cela de temps en temps par besoin de faire un doa, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui font ça en pensant que c'est une sunna après chaque salat de faire les doa et de lever les mains, ou ceux qui serrent la main après chaque salat, tout ça c'est des bidas. Est-ce qu'on va dire que lui, il est pire que celui, par exemple, qui tue des gens, sciemment, qui tue des croyants, mais ça l'aime sciemment ? Non. On dit la bida elle est pire, mais tu as des grands péchés qui en eux-mêmes, sont pires que certaines bid'as. Pas toutes, mais que certaines bid'as. Vous voyez ? Il faut bien comprendre cela. Mais de base, la bid'a est pire que les kabaïr. Pire que les grands péchés. Mais après, il faut regarder la bid'a qu'il y a et le péché qu'il y a en face. Yaqul fi sual thani wa miyatayn ba'd miyatayn ma hiya al bid'a allati hiya ghayr mukaffira. Donc maintenant, c'est quoi l'autre bid'a qui est le mufassika ? Celle qui ne rend pas mécréant. Il a dit, c'est celle qui n'amène pas à démentir le livre et la sunna en soi directement. D'accord ? Comme par exemple la bid'a des Marwaniya, qui étaient les gouverneurs qui sont venus à une époque des Sahaba, des Tabirines. Et par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait comme bid'a ? Mathalen, ils retardaient la salat de leur temps. Ta'abboudan. Ou ils faisaient quoi ? Pour le jour du Eid, ils sortaient le minbar. Alors que le jour du Eid, on ne sort pas le minbar. L'imam, il ne sort pas le minbar. Ou alors ils faisaient quoi ? Ils faisaient la khutbah avant de faire la salat. Normalement, au Eid, qu'est-ce qu'on fait en premier ? On fait la salat, parce qu'elle est obligatoire, et après, il y a la khutbah qui se fait. Et là, les gens, s'ils veulent partir, ils ont le droit de partir. Et bien, ils faisaient quoi ? Exprès de venir, de faire la khutbah, pour que les gens écoutent ce qu'ils avaient à dire. Et dans la khutbah, ils faisaient quoi ? Ils insultaient certains des compagnons. D'accord ? Mais pour des comportements, pas pour la religion. Car insulter les compagnons pour la religion, ça, ça revient, c'est du kufr. Mais tu en as des fois, il les critique pour d'autres choses qui sont liées à leur comportement, de façon individuelle, et ça, c'est de la bid'a. C'est très très grave également, mais ce n'est pas pareil. D'accord ? Par exemple, insulter les compagnons comme l'ont fait, comme le font les Rawafid, qui sont les chiites extrêmes, comme les Houthis ici au Yémen, par exemple, ça, c'est du kufr. Parce que eux, leur but, c'est quoi ? C'est de s'en prendre à la religion. Mais demain, quelqu'un qui viendrait à dire, par exemple, tel sahabi, c'est un avare. D'accord ? Il n'aura pas mécru, mais c'est grave ce qu'il a fait. Ou tel sahabi, mathalen, il était un fainéant. Bah, azubillah. Et bien ça, par exemple, kazalik. D'accord ? C'est une chose qui est très grave. Mais la personne qui fera ça ne sera pas forcément jugée de mécréante. Mais ce qui vient remettre en cause leur adala, leur justice, leur droiture en religion, d'accord ? Ou qui remet à mettre en question leur compréhension de la religion, et autres, ça relève du kufr. Parce qu'à la base, c'est eux qui ont été la cause pour que la religion nous parvienne après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est que forcément, ils sont fiables. Non. Et celui qui ouvre la porte sur les compagnons, c'est bon, il est perdu, lui, sachez-le. Parce que à quoi il va se référer ? Les hadiths, qui c'est qu'ils ont rapporté les sahaba ? Donc dès qu'on va dire un hadith, un Abi Ureira, un Aïcha, un Abi Bakr, un Abi Moussa Ash'ari, wa kaza, un Abi Saïd al-Khudri, on va dire, mets-lui ceci, mets-lui cela. Khlas, même les hadiths, ils vont les rejeter. Parce qu'il ne leur fera pas confiance. Ils vont dire, ce sont des hommes comme nous. On dit, ce sont des hommes comme nous, mais ils ne sont pas comme toi. Ils ont une valeur bien plus haute que la tienne. Et à la fin du livre, ça va venir le chapitre qui parle des sahaba, Inch'Allah Ta'ala. طيب يقول في السؤال الثالث بعد المئتين 203 question كم اقسام البدع بحسب ما تقع فيه donc maintenant en combien se divisent encore les bid'a par rapport aux conséquences dans l'acte il dit تنقسم البدع في العبادات وبدع في المعاملات il y a des bid'a dans les actes d'adoration et il y a des bid'a dans les échanges les rapports entre les gens في السؤال الرابع بعد المئتين 204e question il est quand même tanqasim al bid'a fi al ibadat donc maintenant il va venir parler des bid'a qui sont dans les adorations يقول على قسمين elles sont de deux sortes celles qui sont liées à l'adoration sont et là on parle de celles qui sont pas qui rendent pas mécréants voyez la première est ta'abbud bima lam yazan bihi Allah an yu'bad bihi al batta Il a dit, en premier lieu, c'est le fait d'adorer Allah Azzawajal par une chose qui n'a aucune origine, qui n'existe pas de base. D'accord ? Comme par exemple, comme le font les soufis, comme cite l'auteur, le fait de danser dans le masjid. Les soufis font cela. Dans le masjid, ils dansent. Naam, ou leur façon de faire des doigts en groupe. Et autres. Vous avez par exemple... Le Mawlid Nabawi, mathalan, qui arrive dans quelques jours, qui est la célébration de la naissance du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une chose qui n'a aucune origine en religion. Cette chose-là est venue dans le 6e siècle. Elle a commencé par des gouverneurs, je crois que c'est en Égypte, qui ont voulu concurrencer les Nansara, qui faisaient Noël, ils vont vous dire que nous on aime plus encore Mohammed, d'accord, et on va faire une fête encore plus grande que la vôtre. C'était un ijtihad, un gouverneur, il s'est trompé par rapport à ça. Et de là après, c'est resté. Et les gens pensent qu'ils prouvent leur amour au Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, par cela. Et comme le disent les machères, les gens qui font le Mawlid sont les gens qui sont les plus loin du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi de la Sunna. Vous verrez, hein. Vous verrez pas des gens qui font le Mawlid sans qu'ils sont loin de la Sunna en général. Ils font le Mawlid, ils font tout ce qu'ils ont à faire et tout le reste de l'année, les Sunnas sont délaissés. Tu lui dis de faire ça, non, c'est pas obligatoire, non, c'est dur, non, vous êtes des extrémistes, non, c'est pas de la religion, non, c'est un truc que vous avez inventé vous. Mon père il faisait pas ça, mon grand-père il faisait pas ça, dans le village on fait pas ça, j'ai pas appris ça quand j'étais petit. Voilà, la Sunna il la rejette. Quand on dit qu'ils rejettent la sunna, du fait qu'ils ne veulent pas accepter lorsque nous on leur parle, que l'on met des hadiths. Mais quand le mot le dit vient, tu les vois comme étant les gens les plus mouchtahidines. Car de base, ce sont des gens, ils sont les plus loin de la sunna. Donc, toute leur ardeur, eh ben, tu les trouves dans la bid'a. C'est comme ici les soufis, mathalan. Les soufis, on les trouve ici par exemple au Yémen, quand on était à Al-Hamir Hadramout. Vous les voyez Taraweh, ils font une salade qui est super légère, elle dure une demi-heure. Une demi-heure, par exemple. Et ils ne dépassent pas du za'amma. Bon, tu as le droit, normalement l'imam il reste ce qu'il peut, mais eux, leur but c'est quoi? C'est de faire le plus vite possible pour les gens. Et après, ils vont faire des nuits entières de faire des askar, à chanter et à faire des... Voilà, toute la nuit. On dit, regarde, t'es mujtahid dans la bid'a, toute la nuit tu tiens à faire des askar au micro tout seul dans le masjid, d'accord, alors que nous on est en train de dormir. Donc t'as de la force pour la bid'a, mais quand la sunna authentique qu'il faut la faire, t'es pas là. Car taraweh, à la base, la sunna c'est de faire longtemps. Ou que ça dure assez longtemps. Eux non, c'est court, rapide. Ou les gens, par exemple, vous allez voir, même à Mekka, vous allez voir. Et c'est pas légiféré de faire cela. Par exemple, t'en as, ils vont faire la salat un certain temps, et les deux rats, lors du 8, encore plus long que la salat. Ça n'existe pas, ça. La salat. Ça n'existe pas, ça. Et bien, dans la bidaye, tu vas les voir encore plus faire preuve d'ardeur que dans l'application de la sunna, wa l'azubillah. Donc la première forme de bid'a, c'est celle qui n'a aucune origine. Les gens vont faire un acte qui à la base n'existe pas en religion. Et le deuxième, c'est faire un acte d'adoration qui à la base existe, il a une origine, mais ils le font hors contexte. Ou en ajoutant, ou en retirant, ou en le faisant hors de son temps. D'accord ? En le faisant hors de son temps. Masalen, comme les gens qui font les salawat, hors de leur temps. Mathalen, il y a eu un Afar comme ça qui est arrivé avec Saïd ibn Moussaïeb, qui était un Tabiri. Il a vu un homme faire plusieurs rakat après le Fajr. Vous savez, après le Fajr, après le Sopr, on ne fait que deux rakat avant la salat obligatoire. Et ça, la sunna. Le Nabi Sassam, il ne l'a jamais fait plus. Il n'y a pas à rajouter. Deux rakat khafifa, légères, dans lesquelles, en général, on fait surat al-Kafirun et surat Kulu Allah Ahad. Et cet homme, entre le lever du Fajr et la salat du Fajr, il faisait plein de salat. Et Saïd ibn Moussaïeb, il a dit, ne fais pas ça. Tu vois, c'est mauvais ce que tu fais. Il dit, pourquoi? Il a dit, ça peut te coûter la colère d'Allah, azawajal. Il a dit, est-ce qu'Allah va me châtier pour la salat? Il a dit, non, Allah ne châtie pas pour la salat, mais il va te châtier, l'imukharafat et sunnah, pour avoir transgressé la sunnah. Voilà pourquoi tu seras châtié. Ça revient à ce qu'Allah, azawajal, dans le Coran, il dit, فَلْيَحْذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde que ceux qui transgressent son ordre, qu'ils ne soient atteints d'une fitna ou d'un châtiment douloureux. Donc ce verset concerne la bid'a également. Et d'ailleurs, des ulama ont expliqué ce verset comme étant le shirk ou même la bid'a. Que ceux qui n'écoutent pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam finiront mumtadia. D'accord ? Ou par exemple, tu as des gens qui ce qu'ils font, ça je l'ai connu quand j'étais en France à l'époque, j'étais encore débutant. Il y en a qui font qiyam al-layl en groupe tous les premiers samedis du mois par exemple. Ou à différentes occasions. Il dit, ça nous donne de la force, ça nous fait monter la foi. On dit, ça vous fait rien du tout. Qiyam al-layl, en dehors de Ramadan pour Taraweh, c'est pas une chose qui est légiférée. Sauf dans des cas occasionnels, en guise d'enseignement. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a fait salat avec Ibn Abbas. Ibn Abbas, il était petit encore. Il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se lever la nuit. Il s'est mis à sa gauche. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par l'oreille et l'a mis à sa droite. Il a fait salat avec lui. Pourquoi? Pour lui enseigner. Est-ce que ça s'est répété? Ça ne s'est pas répété. Ou il est déjà arrivé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasse salat et qu'après un sahabi vienne à côté de lui. Ibn Mas'ud l'a déjà fait, Huzaifa l'a déjà fait. D'accord? Mais c'est des choses qui sont faites occasionnellement, pas répétitives. Et bien eux, ils font qiyam al-layl en groupe tous les premiers samedis du mois. Donc ça, c'est un acte qui de base existe, qiyam al-layl, qui est bien, mais ils le font hors contexte. Donc ils tombent dans quoi? Dans la bid'a. D'accord? Dans la bid'a. Ou ce qu'on a dit tout à l'heure comme exemple, les gens qui lèvent la main après les salawat et qui font les doha tout le temps. Et bien le fait de faire un tarsis, un tarayin, de spécifier ce temps pour faire cela en pensant que cela est méritoire ou méritant, cela est de la bid'a. Ou le chapelet par exemple, les gens qui prennent le chapelet, à la base, faire le tasbih, c'est bien. Faire le takbirat, c'est bien. Le tahmid, dire alhamdoulillah tant de fois, subhanallah tant de fois, Allah akbar tant de fois, ça c'est sunnah. Mais on le fait avec les doigts. Eux ils ont pris le chapelet. Et bien le chapelet, c'est une bid'a. D'accord ? Certains ulama ne voient pas que c'est une bid'a, mais leur avis il n'est pas correct. C'est une bid'a, et en plus, c'est une ressemblance au kuffar, parce qu'à la base, le chapelet, on le trouve chez les hindous, et les bouddhistes plutôt à Fouen, et chez les nasara, chez les chrétiens également. Ça vient de chez eux en premier. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On les a suivis en cela. Malheureusement. Même aujourd'hui, tu as des kuffars, quand ils voient l'islam, ils vont représenter l'islam avec un mushaf et un chapelet. On dit le chapelet, ça n'a rien à voir. ou le drapeau vert avec le croissant de lune et l'étoile. Par exemple, on dit en islam, on n'a pas de symbole, on n'a pas de couleur, c'est pas vrai tout ça, c'est des choses inventées. Ça, ça n'existe pas. Mais après, ça rentre dans la tête des gens que ça devient un symbole de l'islam. Naam. Qal fi souhal khamis ba'd al-miyatayn, 205e question. Kam hala lil bid'a min ma' al-ibada allati yaqa' fiha. Donc maintenant, il a dit c'est quoi les situations de la bid'a par rapport à l'adoration dans laquelle celle-ci se déroule. La bid'a qu'on fait lors d'une action, lors d'une adoration. Première, c'est que cette bid'a annule l'adoration dans son intégralité. Par exemple, si on l'a fait. Quel exemple ? Rajouter une rak'at dans une salat. Par exemple, quelqu'un fait le maghreb, il dit je vais faire 4 rak'at. Il dit moi j'aime la salat, j'aime Allah Zawajel, je vais faire plus. On dit non, tu n'as pas le droit. Si tu rajoutes une 4ème rak'at, ta salat elle sera annulée. Ton maghreb entier est annulé. Ou quelqu'un qui veut faire 4 rak'at, le fajr, il n'a pas le droit. D'accord ? Ou quelqu'un qui veut rompre son jeûne plus tôt, et bien son jeûne va être annulé. Mathalan. Voyez ? Donc ça, c'est une bid'a qui va annuler l'action entière. L'action entière. Et t'as l'autre bid'a, celle dont l'acte est externe à l'adoration, que la personne prend le péché, mais cela n'annule pas l'adoration. D'accord ? Cela n'annule pas l'adoration. Comme par exemple, quelqu'un qui fait l'ozo, comme le dit l'auteur, et qui fait plus que 3 fois. Il fait plus que 3 fois. Ou alors il fait l'ozo et il monte plus haut que les membres prévus. Il se base par exemple sur le hasard de le caleb de Abu Huraira quand il dit « Faman stata aminkum an yutil yutil yani j'ai oublié le... que celui qui peut rajouter de sa lumière qu'il le fasse. » Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les membres de l'ozo seront illuminés yom al-qiyama. Arrata, c'est ça. Arrata. Donc Abu Huraira lui faisait l'ozo. Je ne sais pas s'il faisait tout le temps ou s'il a fait à certaines occasions, mais il faisait l'ozo, au point d'en arriver aux épaules, par exemple quand il faisait les bras, et au point d'en arriver presque aux genoux, aux mollets, quand il faisait les jambes. Mathalan, voyez ? Eh bien ça, c'est un échiat de sa part. Et l'acte qu'il a fait s'appelle bid'a. Naam. Mais lui n'était pas moutadir. Lui, il a fait un échiat et il s'est trompé par rapport à ça. Mais toi, maintenant, si tu le fais ça, toi, aujourd'hui, là, et qu'on te le dit, on te dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait plus que dépasser les coudes ou dépasser les chevilles ou quoi, ou quoi, ou quoi. Toi, tu le fais quand même. Là, tu seras dans la bid'a. Tu n'as pas le droit de suivre Abu Huraira, par exemple, par rapport à ça. Lui, il a été excusé, toi, tu ne le seras pas. Comme on disait tout à l'heure. Donc là, est-ce qu'on va dire que l'ozo, il est annulé? Il n'est pas annulé. Il ne sera pas annulé, l'ozo. Car tu l'auras fait correctement. Et mais ton ajout, en lui-même, ne touche pas à la base de l'ozo. Parce que si jamais ton ozo il est annulé, ça veut dire que ta salade derrière, elle sera annulée également. Il y a des conséquences derrière. Un ozo qui est mal fait, les ablutions qui sont mal faites, c'est tout ce qui en découle derrière qui sera annulé. Donc il faut faire attention à ça. Quoi qu'il en soit, cette bid'a-là en soi, dans cet exemple-là, n'annule pas l'adoration. Voyez, donc tu as des bid'a qui annulent l'adoration dans laquelle elle a été faite, et tu en as d'autres, elles sont externes, en plus, n'annulent pas la base de l'adoration. Taïeb. Qaleb, on finit. Et sachez une chose, que la bid'a, aussi, Naam a précisé, que la bid'a, elle commence petite et elle finit grande. Le mot peut dire, elle commence par une petite chose, tu lui expliques, il s'acharne et il s'obstine, tu verras que plus tard, il va finir dans une chose qui est pire encore. Ce fut le cas des Ashab du Masjid Bani Hanifa, comme vous le connaissez, l'histoire de Abu Moussa qui a vu des gens qui faisaient des tasbih avec des cailloux. Et des pierres, et qu'il en a informé Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, il est venu, et il les a blâmés pour cela. Ils ont dit Ma aradna illa khayra, wa qala kabmin murid al khayr, lam yusibhu. Ils ont dit on ne veut faire que du bien. Ça prouve que leur but c'était quoi? Faire du bien, adorer Allah Zawajel. Mais il a dit quoi? Combien de gens veulent le bien et ne l'atteignent pas. Donc le fait que tu veuilles le bien seulement, ta niyyah ne suffit pas. Il faut que ton acte également il soit en conformité avec la sunnah. Donc il leur a dit d'arrêter. Ils n'ont pas voulu arrêter. Il s'est passé quoi? Ces gens-là ont fini chez les Khawarij par la suite. Regardez, ça a commencé par un simple tasbih avec des cailloux et ça a fini par combattre les Sahaba. Donc attention, ne pas prendre les choses à la légère. Après, quand quelqu'un il est ignorant, il ne sait pas, tu l'expliques, il arrête, il est excusé. Mais s'il persiste, là, ça sera un autre cas. Et pour finir, يقول في السؤال السادس بعد المئتين 206e question, ما هي البدع في المعاملات؟ Donc maintenant, c'est quoi les innovations dans les échanges, par exemple, et les relations? Alors lui cite, ce sont les conditions, par exemple, émises qui n'ont aucune religion, enfin, aucune relation avec la religion. كاشتراط الولاء لغير المعتق. Comme par exemple, الولاء, c'est lorsque une personne libère un esclave. Quelqu'un, il est un esclave. D'accord ? Quelqu'un possède un esclave. Et quelqu'un vient, quelqu'un d'autre vient et rachète cet esclave pour le libérer. Comme ce fut le cas de Aïcha qui a voulu racheter Bouraïra. Ils ont dit quoi, ces gens qui possédaient Bouraïra ? Ils ont dit à Aïcha, si tu veux, tu le libères, mais son wala, il est pour nous. C'est-à-dire quoi le wala ? C'est-à-dire que nous, on hérite d'elle. Parce que l'esclave libéré, quand il meurt, son ancien maître rentre dans le jugement des Asaba. On en parlait dans le ders de la beauté des cœurs, pour ceux qui suivaient, que les Asaba sont les proches, à la base, hommes du côté du père, qui héritent du défunt, sans part définie. D'accord ? Eh bien, celui qui libère un esclave, il rentre dans le groupe des Asaba, justement. Il hérite de son esclave affranchi. Donc, Aïcha, radhiyallahu anha, elle a voulu libérer Bouraïra. Donc, elle a racheté Bouraïra pour la libérer. Et ses maîtres, ils ont dit, si tu veux, tu la rachètes, mais c'est nous qu'allons hériter d'elle. Et là, le Nabi Sallam, il a dit là, abadan. Tu vois ? Il a dit, amma ba'du, fama bel rijal, yashtaritun shurutan, laysat fi kitabillah. فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. Il a dit, quand ces gens ont vouloir émettre des conditions qui ne sont pas dans le livre d'Allah Azzawajal, toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah Azzawajal, cela est vain. Et après, il a dit que le wala est pour celui qui aura libéré, qui aura affranchi. Donc si le maître, c'est lui qui a affranchi lui-même, il aura le wala. Mais si quelqu'un d'autre vient et rachète l'esclave pour le libérer, c'est celui qui aura racheté qui aura le wala. Donc des fois, des gens, ils émettent des conditions dans des relations, d'accord, qui n'existent pas, qui sont caduques, ça rentre dans la bid'a, dans les échanges. D'accord, ce sont des conditions qui rentrent dans l'innovation. Car à la base, on a des choses qui ont des règles. Ces règles, on doit les respecter et ne pas les enfreindre. Non, enfin, j'étais un peu long aujourd'hui parce qu'en fait, je voulais finir cette partie qui touche la bid'a pour rentrer dans la prochaine fois dans la partie qui touche les sahaba. Et on espère qu'il reste trois ders pour avoir fini le livre. Bismillah ta'ala. On espère finir le ders dans les trois prochains duros. Inch'Allah ta'ala. Taïef, fanak tafi bi'ad al-qadr. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك